Bigira. Et met tout ça, Mister Boutia, sur la mise en onde. Merci de nous être restés fidèles. Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce jeudi. Donc voici d'abord les grands titres. Nous sommes le 3 décembre, date de célébration de la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap. Dans cette édition, l'on partira à la rencontre des entrepreneurs issus de cette catégorie de gens. Leur motivation et leur défi. Et personne n'est autorisé de sortir de la quarantaine avant les 72 heures prévues. C'est la déclaration du ministre en charge de la santé publique qui regrette que des gens passent parfois outre cette mesure préventive. Vous l'entendrez, et les prix de viande, surtout le bœuf, font grimper sur le marché à Mairie de Bujumbura. La dévaluation de la monnaie burundaise serait à l'origine de cette situation, estiment les bouchers. Dans la chronique justice de ce jeudi, l'on vous parlera de la réparation des dédommagements causés par l'infraction. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, une personne a été tuée le matin de ce jeudi accusée de sorcellerie sur la colline Kabele de la commune Mabayi en province de Chibitoke. Jacques Enzo Baranhumye, quinquagénaire, est décédé suite à la justice populaire, selon l'administrateur communal de Mabayi qui dit que cet homme avait failli être lynché par la population à maintes reprises. Nicodème Ndahabonimana informe que 6 personnes ont été déjà appréhendées, d'autres sont recherchées pour des raisons d'enquête. Il demande à la population de renoncer à la justice populaire. Et 2 personnes sont mortes également dans 2 accidents de roulage de ce mercredi sur la route Bujumbura-Rugombo. 8 cas d'accidents ont été enregistrés au cours du mois dernier de novembre, faisant 5 décès, 4 blessés dans cette province selon la police de roulage. Les autorités administratives et policières demandent aux chauffeurs de travailler conformément à la loi et aux passagers de dénoncer chaque fois des cas d'irrégularité constatés en route. Et je vous disais tout à l'heure que c'est la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap et les personnes en situation de handicap de la commune de Nyabihanga, province de Mwaro, qui ont appris différents métiers, disent n'avoir pas de clientèle suite au manque d'espace pour exercer leur métier. Ils implorent l'intervention de toute âme charitable afin d'obtenir un immeuble convenable. L'administrateur de la commune Nyabihanga les invite à se regrouper en association en attendant qu'il y ait un bienfaiteur pour les appuyer, Gérard Nébikir. Le coordinateur du projet intitulé « Inclusion des personnes vivant avec handicap et dans des programmes de développement » Pasteur François Bayavougué dit que ce projet a déjà appris aux personnes en situation d'handicap et de la commune Nyabihanga, province de Mwaro, les métiers comme la couture, la vannerie et la broderie. Toutefois, certains de ceux qui ont appris ces métiers expliquent qu'il manque de clientèle. Pour eux, ce manque de clientèle est lié au fait qu'ils n'ont pas de lieu de travail connu et facilement accessible. Que chacun parmi eux travaille chez lui à son domicile. C'est ainsi qu'ils demandent aux bienfaiteurs variés de leur venir en aide en leur faisant construire une salle visible et facilement accessible où ils exerceraient leur métier afin que les clients aient des facilités d'acheter les produits et de faire des commandes. À propos, l'administrateur de la commune Nyabihanga, Nuzenimana Adrien, les invite à se regrouper en association pour qu'ils soient plus connus en attendant qu'il y ait des partenaires probable pour les appuyer. Il leur promet de donner rapport au gouverneur de Mwaro pour qu'à son tour, ils transmettent leurs demandes à tout bienfaiteur qui voudrait appuyer les personnes en situation d'handicap et de sa province. Tous ces propos ont été tenus ce lundi lors des cérémonies de célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées organisée par le projet Inclusion des personnes vivant avec handicap dans des programmes de développement commune Nyabihanga de la province de Mwaro. Le monde célèbre cette journée le 3 décembre de chaque année. Et selon le chargé de la communication au sein de ce projet, Dr Aimé Mugisha, la commune Nyabihanga compte actuellement plus de 270 personnes en situation d'handicap. Depuis Mwaro, Gérard Nibigira pour la radio Isangani. Merci Gérard. Et certaines personnes vivant avec handicap qui exercent divers métiers appellent d'autres personnes vivant avec handicap qui restent mendiants dans les rues, abandonner cette pratique. C'est appelé des filles et femmes réunies au sein d'une société de couture en zone urbaine de Rohero dénommée Espoir, ce qui coïncide avec la journée mondiale des personnes vivant avec handicap, qui demande au gouvernement du Burundi d'initier une politique de retirer de la rue cette catégorie de la population afin qu'elle puisse être sensibilisée à l'autopromotion. On va y revenir tout à l'heure. Et l'Union des personnes vivant avec handicap, UPHP, demande la mise en application effective des lois et conventions de protection des personnes vivant avec handicap que le Burundi a ratifiées. Adélaïde Nyigina, présidente de l'UPHP, déplore la persistance des discriminations à l'endroit de cette catégorie de la population suivie. Ici au Burundi, il y a eu la ratification de la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées en 2014. Le 10 janvier 2018, il y a eu la promulgation de la loi nationale sur les droits des personnes handicapées. Après, on a mis en place une politique de mise en œuvre de la loi avec son plan d'action. Il y a aussi un comité de suivi pour les personnes handicapées qui doivent voir comment la protection des personnes handicapées et leur promotion est en train d'être exécutée ici au Burundi. Même s'il y a ces textes, il y a le problème de la traduction de ces textes en action. Il fallait qu'il y ait la vulgarisation de ces textes. Il fallait que les actions qui se font au niveau pays prennent en considération les besoins des personnes handicapées, les spécificités selon le handicap, pour que le développement soit inclusif, comme le stipule l'agenda 2030. En fait, les personnes handicapées en général sont des citoyens comme tant d'autres, doivent avoir les mêmes droits que les autres. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des aménagements pour rendre accessibles les services, c'est-à-dire rendre accessibles les infrastructures. Il y a encore des discriminations qui s'observent ici et là. Souvent, on fait des planifications sans toutefois contacter la personne handicapée. Mais dans la mise en œuvre, ça devient un problème. Et revenons sur l'élément en rapport avec les jeunes et femmes réunies au sein d'une société de couture en zone urbaine de Rohero dénommée Espoir, qui demande au gouvernement du Burundi d'initier une politique et de retirer de la rue cette catégorie de la population afin qu'elle puisse être sensibilisée à l'autopromotion. C'est au moment où, justement, ce 3 décembre, c'est la journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap. Nous sommes dans un atelier de couture en zone urbaine de Rohero où exerce le métier de couture des filles et femmes vivant avec le handicap. Après presque 10 ans de l'existence de la société regroupant ces infirmes, la responsable explique comment est née l'idée de se mettre ensemble. Un projet qu'on a fait dans l'association des femmes handicapées et voyantes. Le fondateur a vu que c'est un grand projet et c'était une femme italienne et elle est venue pour voir ces gens qui veulent faire cette société. Et elle a essayé de travailler avec nous et c'est dans cette occasion qu'elle a trié cette fille et femme. On a commencé à travailler à cette. Zokira Bernadette est la responsable de cet atelier dénommé Atelier des femmes handicapées Espoir. Elle est satisfaite de l'évolution de ce dernier, même si les défis ne manquent pas. On a rencontré des problèmes passés dans le pays. Il y a 2015 et il y a aussi cette époque de Corona qu'on n'a pas y arrivé au but attendu avant de commencer l'atelier. Et maintenant, on continue à travailler parce que peut-être qu'on va arriver à notre but que nous voulons arriver. Parce que c'était pour travailler au lieu de faire la mendicité. On a trouvé qu'on peut travailler parce que pour le développement du pays, nous aussi, nous sommes avec les autres. Même si on vivait avec l'handicap, mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas travailler. Même son de cloche avec les membres exerçant dans cet atelier. Anne-Marie Nduimana, veuve et mère de 4 enfants, indique son métier de longue date l'aide à faire vivre sa famille, tout en ajoutant que les handicapés physiques sont capables. Les personnes vivant avec handicap, nous sommes capables de tout. Quand je regarde nos œuvres, ici je constate qu'elles intéressent toutes les personnes qui nous rendent visite. Nous participons nous-mêmes dans les expositions et nous constatons que ceux qui viennent voir nos œuvres se demandent si elles ont été conçues par des personnes vivant avec handicap. À l'heure qu'il est, je confirme que nous sommes capables. Cela étant, il s'avère nécessaire que nous soyons soutenus pour que nous puissions arriver à un développement durable. Dans cet atelier dénommé « Filles handicapées de l'espoir », l'on appelle d'autres personnes vivant avec leur handicap qui restent mendiants à abandonner cette pratique et s'adonner au métier car elles en sont capables, ajoute Bernadette Nzokira, responsable de ce dernier. Tu es là, tu restes là-bas, tu attends les gens qui passent, qui peuvent te donner l'argent. Mais si tu as quelque chose que tu peux vendre, parce que maintenant je vois les handicapés qui vendent des petites choses comme du sucre, des fruits, tu peux faire ça, mais tu peux gagner la vie. Au lieu d'attendre quelqu'un qui va passer te donner 100 francs, 50 francs. Il faut aider à ces gens qui sont à la rue. Au lieu de les donner 100 francs, il faut les écouter. Je trouve qu'il faut chercher comme des centres d'écoute qui peuvent aider ces gens. Les filles et femmes réunies au sein de l'atelier Filles Handicapées Espoir appellent le gouvernement à mettre en place une politique claire portant retrait de la rue et formation professionnelle de ces personnes vivant avec le handicap. Merci Evariste Nzikobanyanka. Le ministère ayant le sport dans ses attributions a donné le pouvoir en délégateur au comité paralympique d'organiser les différentes compétitions, ainsi que le siège social. Le directeur général du sport au sein de son ministère fait savoir que c'est dans le cadre de la promotion du sport pour la catégorie des personnes vivant avec handicap. Mathias Manirakiza indique que le ministère appuie également les équipes qui représentent le Burundi dans les compétitions internationales des personnes vivant avec handicap. Après une courte pause, page de santé au rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'essentiel, vous pouvez également l'écouter via le www.isanganiro.org. Santé, comme je vous l'annonçais, tout voyageur est appelé à respecter les mesures de rester en quarantaine dans les hôtels qui les ont accueillis pendant les 72 heures prévues. Pour les voyageurs entrant sur le territoire burundais, le prélèvement se fait à l'arrivée à l'aéroport ou sur d'autres points d'entrée. Dans une conférence de presse de ce jeudi, le ministre de la Santé, Tade Ndikumana, dit que s'il y a un cas positif à bord d'un avion ou en bateau, tous les passagers doivent observer une quarantaine supplémentaire de 72 heures avant de bénéficier d'un deuxième test. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Jean-Marie Mayonga. Comme il a été remarqué que parmi les demandeurs de ces cas de voyage, il y a des cas positifs, le port de masque est obligatoire pour tout voyageur qui passe dans les enceintes de l'INSP pour le prélèvement. Tout voyageur doit se présenter à l'équipe médicale affectée au poste d'entrée qui vérifie l'authenticité du certificat COVID-19 délivré par le laboratoire national de référence de l'INSP. Pour les voyageurs entrant sur le territoire burundais, la quarantaine de 72 heures dans les hôtels et de strictes applications. Le prélèvement se fait à l'arrivée à l'aéroport et au point d'entrée au niveau terrestre. Le transport des passagers de l'aéroport vers l'hôtel est assuré par le service du tourisme en collaboration avec les hôtels. S'il advient qu'il y a l'un ou l'autre cas positif à bord d'un avion, tous les passagers doivent observer une quarantaine supplémentaire de 72 heures avant de bénéficier d'un deuxième test de contrôle. Les camionneurs certifiés qui assurent le transport international des marchandises bénéficient des mesures spécifiques à eux. Suite au constat que certains voyageurs débarquent dans les aéroports de la sous-région qui entrent au Burundi par voie terrestre ou lacustre, nous rappelons que les mesures de quarantaine les concernent eux-mêmes au même titre que ceux qui passent par l'aéroport international Melchior Ndadaye. Les hôtels de Bujumbura sont responsables du transport des personnes en quarantaine vers l'hôtel Sous-Sédinir pour les prélèvements de contrôle. Pour les voyageurs en quarantaine dans les autres provinces du pays, les prélèvements de contrôle se font dans les hôtels qui les hébergent. Tade Ndikumana, il est ministre de la Santé publique, un ministère qui vient également de bénéficier de 210 millions de dollars américains de la part du Fonds mondial pour intervenir dans la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose pour une période de 2021 jusqu'en 2023. Commerce à présent, la dévaluation de la monnaie burundaise est à l'origine de l'augmentation du prix de la viande.